C'est un gouvernement qui a décidé de lancer une guerre à l'automobile. C'est carrément ça, là. Mais si le gouvernement péquiste. Mais si tu livres la guerre à l'automobile, ouais. Tu livres la guerre aux êtres humains. Tu livres la guerre... À la vraie vie. À la vraie vie.